L'honneur coule, le bateau inondé, descendre en dessous, loin du rivage grisé, reculant loin du rang, on s'éloigne du groupe, le tarmac est trop loin pour ma troupe, et après tout je me fais.